dans un sourire se réveiller, laver sa face, ranger sa cage et s'en aller. Une autre journée sans rien faire, rien n'a changé. On dit toujours que le temps presse, faut s'activer. Déjà 30 ans que le temps passe sans me prévenir. J'ai fait mes choix pour le meilleur, pas pour en rire. J'ai su me taire pour ne devoir jamais m'enfuir. Je préfère la platitude à tous les petits plaisirs. Simple élément dans ces temps, semble tout petit pion. Dans centre petit jeu, je vis ma vie puisque tout va pour le mieux. En attendant que la terre tremble, avant que l'air ne brûle à petit feu, je vis ma vie puisque tout va pour le refermer la porte, rentrer dans la danse, arriver à l'heure, saluer mon boss, faire un grand sourire, m'asseoir et me taire, écouter ses doléances et gérer ses affaires. Pourtant, j'ai fait les meilleures écoles, toujours première en classe, apprenant à écrire pour mieux laisser ma trace. J'ai quelques diplômes universitaires, tout un tas d'orgueil et de strass. Pouvoir sourire, savoir se taire pour ne plus jamais s'enfuir. Tel est le salaire de ce monde. Que voulez-vous que j'y fasse? Simple élément dans ces temps, semble tout petit pion. Dans un putain de jeu, je vis ma vie puisque tout va pour le mieux. En attendant que la terre tremble, avant que l'air ne brûle à petit feu, je vis ma vie puisque tout va pour le mieux. Revenu d'enfer, je m'en sortirai sans souci. Je ferai pas changer le monde, mais j'ai ma place au paradis. Simple élément dans ces temps, semble tout petit pion. Dans un putain de jeu, je vis ma vie puisque tout va pour.